Il n'y a pas un jour où ta petite faiblesse dans ma face me caresse. Oh. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. De ton charme comme une arme pour me faire attendre, pour me faire attendre. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. Je calme la flamme qui me brûle les amygdales. Oh. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. Je t'attends tout le temps, trop longtemps, trop souvent je t'attends. Trop souvent, trop souvent. En t'attendant, mon cœur, je vais penser à ton corps pour calmer la douleur que me provoque tes torts. Je t'attends tout le temps.